désert, enchaîné au cœur des... Vous écoutez France Culture. Posłuchajcie France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir avec aujourd'hui Lord Simon of Highbury. En 2004, l'Académie des sciences morales et politiques sous la présidence de Michel Albert a consacré 32 séances à l'étude de l'Europe sous tous ses aspects. Ce sont ces séances, enregistrées par France Culture, que nous vous proposons d'écouter le matin. Ces conférences sont publiées par les presses universitaires de France. On les trouve en librairie depuis mai 2005 sous le titre « Regards croisés sur l'Europe ». Lord Simon of Highbury, membre de la Chambre des Lords, est licencié en littérature et lettres modernes. Sa carrière se déroule chez BP. Pendant 30 ans, il travaille et se déplace fréquemment en Europe. Il occupe des fonctions au sein de diverses divisions européennes du groupe pétrolier, notamment celle de président de BP Allemagne et de BP France. D'abord président-directeur général du groupe, il devient président du conseil d'administration de 1995 à 1997. À la demande du Premier ministre Tony Blair en 1997, il fait partie du nouveau gouvernement travailliste et entre à la Chambre des Lords, occupant pendant 2 ans les fonctions de ministre des Finances et de ministre de l'Industrie et du Commerce. Il assume également le rôle de ministre du Commerce européen et de la Concurrence. En 1999, Lord Simon démissionne du banc des ministres à la Chambre des Lords, le gouvernement ayant refusé l'entrée du pays dans la zone euro. Il assure alors une mission de conseiller auprès du Conseil des ministres sur les questions de modernisation du gouvernement. Il se retire de ses fonctions en 2003, tout en restant membre de la Commission du Trésor britannique sur la productivité. Il conserve également une activité au sein d'autres commissions ou groupes œuvrant en faveur des réformes économiques européennes. Lord Simon insiste dans son intervention sur ce que les Anglais attendent de l'Europe. Pour lui, la méfiance anglaise n'est que relativement justifiée. Il reste persuadé qu'à plus ou moins long terme, les Anglais comprendront, sur la base de leur amour pour la liberté et la justice, l'intérêt pour eux qu'il y a à entrer dans l'Europe. Voilà, point de vue britannique sur la construction européenne. Messieurs, madame, je suis très honoré d'avoir été invité à m'exprimer devant vous cet après-midi. Feu mon beau-père, Roger Simon, Lillois de naissance, décoré de la Croix de guerre et de la Légion d'honneur, membre des forces françaises libres, s'est-on mis au service de De Gaulle en 1942, en Angleterre, aurait été content de savoir que son genre anglais-gallois a accepté cette invitation. Je ne suis toutefois pas sûr de pouvoir répondre de manière satisfaisante à vos questions, mais on verra. Et je dis au début que je parle personnellement et pas comme membre officiel du gouvernement anglais ou de n'importe quelle organisation anglaise. Alors c'est un point de vue personnel. Tout d'abord, en tant que Britannique, on ne maîtrise jamais la langue française, qui pourtant est si précise et si belle, et que moi-même j'ai toujours respecté. Et par ailleurs, et cette raison est peut-être encore plus profonde, donner une perspective britannique, vouloir décrire un point de vue britannique, constitue un véritable défi. Et à plus forte raison, s'il n'est pas personnel, mais collectif. La question à laquelle il m'a été demandé de répondre aujourd'hui peut être formulée de la façon suivante. Existe-t-il un point de vue britannique partagé par l'ensemble de la population sur la construction européenne? Un point de vue différent des mythes véhiculés depuis 30 ans. L'Europe, oui, en principe, mais... ou nous faisons partie de l'Europe, mais nous n'en sommes pas vraiment membres. Vu du continent, cette situation est complexe, difficile et pour beaucoup de nos voisins, inexplicable. Il est difficile de considérer les Britanniques dans leur globalité, d'autant plus qu'au Royaume-Uni, en matière de politique et de philosophie, la règle demeure le non-conformisme. La construction européenne est un sujet aussi philosophique que pragmatique. Mais les Britanniques du XXIe siècle s'intéressent peu aux questions philosophiques. Le pragmatisme est le maître mot. Tel est mon premier problème. Le pragmatisme britannique est difficile à décrire. On agit selon les circonstances et les intérêts. La philosophie, elle touche au rêve. Concernant la construction européenne, on peut se poser des questions profondes sur la forme de la démocratie européenne, sur la structure des institutions, sur l'existence et la nature d'un démos européen, sur les valeurs communes aux Européens. Le philosophe est capable et heureux d'étudier ces questions, d'y réfléchir et d'en discuter. Tel est le problème des Britanniques. Ils se méfient de l'aspect théorique de la construction européenne. La construction britannique ayant été beaucoup plus aléatoire, puisqu'elle s'est fondée sur la coutume et la pratique, la common law et la défense du Parlement où s'exprime la souveraineté du peuple. Et je note, je suis entendu par un juge britannique. C'est une position difficile et personnelle, ça. Je dirais qu'il est plus facile d'expliquer le point de vue des Britanniques sur la construction européenne à partir des réactions négatives. Il est en effet difficile d'obtenir de leur part une réaction positive et créative sur des questions fondamentales et théoriques. C'est ça le pragmatisme britannique. Vous l'aurez compris, je ne suis ni philosophe, ni un professionnel de la politique. Je suis un industriel qui s'intéresse de très près aux grandes questions de politique internationale et je ne suis pas sûr que mon parcours professionnel me permette d'analyser de manière pertinente un éventuel point de vue collectif britannique. Une large part, 30 ans au total, de ma formation et de ma carrière professionnelle, comme vous avez écouté, s'est effectuée en Europe continentale. Mes opinions sont donc très différentes de celles beaucoup plus fermées et sévères des 50% des Britanniques qui n'ont jamais quitté nos îles. Avant de vous exposer mon point de vue, qui est celui d'une minorité, je vais vous présenter rapidement l'opinion générale britannique telle que l'ont révélé les résultats des élections de juin dernier et les sondages effectués dans le cadre d'une possible campagne électorale et un futur référendum sur la Constitution. Tout d'abord, selon moi, la construction européenne requiert une certaine unité d'appréciation qui comprend une vision partagée d'une Europe plus étendue et plus intégrée, ainsi qu'une capacité à en comprendre les institutions politiques et leur rôle. Par conséquent, personnellement, je ne crains ni une intégration politique et économique plus profonde, ni une extension du nombre des membres de l'Union. C'est une position minoritaire aujourd'hui en Grande-Bretagne. Il est clair dans les sondages que à peu près 40% de notre population ne veut pas que la Grande-Bretagne soit membre d'une Union européenne plus intégrée. Jusque-là, ça vient, mais pas plus intégrée qu'où nous en sommes. Il refuse que notre pays abandonne une plus large part de sa souveraineté à ses voisins. Cette partie de notre population comporte notamment les 16% des électeurs, 2 millions de personnes, qui ont voté pour l'UKIP, nouveau parti indépendant, en juin dernier. Le projet central de ce parti est le retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. En effet, le débat qui porte sur la question de la souveraineté est en réalité un faux débat si la question est posée noir et blanc, qui est souvent le cas. Cette souveraineté ayant d'ores et déjà été partiellement cédée par la ratification des traités de Maastricht, Amsterdam et Nice et la signature du Single European Act intervenu au Parlement de Westminster sous le gouvernement conservateur de Madame Thatcher. La grande minorité sceptique qui regroupe 40% de notre population, y compris notamment les partisans de l'UKIP, est plus largement représentée par le Parti conservateur dont la politique se fonde sur le refus du traité élaboré par la Convention européenne, présidé par Valéry Giscard d'Estaing et adopté par le Conseil d'Europe le 18 juin 2004. Pour le Parti conservateur, le vrai débat commencera lorsque le Premier ministre lancera sa campagne en faveur de oui au référendum portant sur ce traité, qui aura lieu, et là je ne sais pas, mais qui aura lieu, j'espère, à l'automne de 2005 ou début 2006. Pour la majorité des Britanniques, la question oui ou non dans un référendum sur la Constitution représente le prochain pas dans la construction européenne. Voilà l'importance du jugement politique. Les europhiles, décrits par la presse comme ceux qui ont voyagé, se sont ouverts aux idées étrangères et partagent la vision des pères fondateurs de l'Union européenne, Monnet et Schuman, représentent peut-être 20% de la population. Il reste donc environ 40% des Britanniques qui ne s'intéressent pas si profondément à la politique étrangère ni à la construction européenne. Voilà le 40% qui n'ont pas encore pris position ferme avant un référendum. Ils ne sont pas fondamentalement hostiles à l'Union, mais entre autres, n'ont jamais vraiment compris comment fonctionnent les institutions politiques, ni en Europe, ni peut-être dans nos îles. Ils ont pour habitude de suivre les leaders politiques lorsque de grandes questions d'État sont posées et se méfient de grands changements de politique. En dressant ce décor, je voulais donner une idée du poids de l'intérêt de l'opposition et de l'indifférence que suscite la question de la construction d'Europe, pour tenter de définir maintenant quelle sorte d'Europe les Britanniques désirent. J'emploie l'expression « quelle sorte d'Europe » plutôt vague, parce que la question de la construction de l'Union tourne autour d'institutions, d'intérêts et d'ambitions. Compte tenu de ces variables auxquelles s'ajoute l'aversion britannique pour les discussions théoriques, je ne ferai en décrivant un projet acceptable en ce sens qu'interpréter l'opinion silencieuse de nombre de nos concitoyens qui fondent leurs valeurs et leurs convictions sur leur expérience et sur leur activité quotidienne. La tâche qui m'incombe est donc en premier lieu de définir dans mes propres termes ce que le Royaume-Uni souhaite que l'Europe représente et apporte par l'intermédiaire de ses institutions. Elle consiste en second lieu à commenter le stade où en est arrivée la construction européenne à la suite des négociations sur le traité lors de la récente conférence intergouvernementale. Enfin, il me faut spéculer sur l'avenir de cette construction au moment où l'Union s'apprête à accueillir de nouveaux membres d'Europe de l'Est et peut-être à l'avenir profond la Turquie. Qu'est-ce que les Britanniques attendent de l'Europe ? Il convient à ce stade d'établir la distinction entre mes compatriotes vus par nos journaux et par leurs propriétaires, majoritairement eurosceptiques, et la population dans son ensemble. La presse se livre à des combats de politique partisane teintés d'un populisme xénophobe propre à augmenter les ventes des tabloïdes. Selon ces derniers, les Britanniques préfèrent porter leur regard sur un brillant passé historique plutôt que sur un avenir européen incertain et moins séduisant. De plus en plus, les tabloïds critiquent le Parlement, la Commission et la réglementation européenne. Ils évoquent l'Europe comme s'il s'agissait d'un territoire étranger, séparé de nos îles par une manche de 3000 kilomètres, de large et son lien culturel avec elle. Allez en croire, nos arbres généalogiques n'ont bénéficié en rien de la contribution séculaire des Normands, des Angles, des Saxons, des Jutes romains, flamands, français et allemands, sans parler des Espagnols et des Portugais. comme si les monarques que nous avons eus en commun ne symbolisaient pas de guerre commencée et achevée dont les liens de sang, un torrent tumultueux de gêne partagée, d'amour, de haine et de cause commune. Vraiment, l'idée que nous, les Britanniques, nous sommes l'Europe, est souvent ignorée. De la part des médias britanniques, je n'attends donc aucune présentation à la fois spontanée et durablement positive sur la construction d'Europe. Certains organes de presse, certains journalistes exceptionnels, apportent une pensée sérieuse et objective. La BBC même, elle-même, n'en manque pas. Mais j'en viens à considérer de manière générale que seul un puissant leadership politique parviendra à ouvrir une perspective positive sur le développement, l'approfondissement et l'élargissement de la chose européenne. Surtout en ce qu'elle exige un surcroît d'intégration et de souveraineté partagée. Au pire, nos médias y seront hostiles et dans le meilleur des cas, ils élèveront une voix modérément constructive. Mais cette dernière sera couverte probablement par les revendications braillades des factions populistes. La presse britannique, ayant pour principal but de distraire son lectorat et de vendre du papier, on pourrait croire qu'il n'existe au Royaume-Uni aucune valeur, aucune inspiration en lien profond avec celle de nos voisins. Mais attention, les Britanniques aiment à lire leurs journaux, mais cela ne signifie pas qu'ils prennent toujours ce qu'ils racontent pour argent comptant. Quelles sont donc les principales attentes de mes concitoyens vis-à-vis de l'Union et de son évolution actuelle? J'évoquerai tout d'abord notre culture et nos valeurs. J'ai tendance à croire, dans le souvenir de l'histoire de France des alentours de 1789, qu'ils aspirent aujourd'hui à une vie meilleure, offrant plus de liberté, plus de justice et de solidarité. Pour certains, et on peut s'en étonner, cela n'est pas contradictoire avec les valeurs caractérisant la construction européenne. Je suis sûr que l'égalité s'ajoute à ces trois vœux, tout en cédant la priorité à la justice. L'égalité s'incline devant la loi. Quant à la solidarité, elle est l'équivalent moderne de la fraternité, et finalement, les choses n'ont guère changé. Comme les Français, les Britanniques veulent protéger leur culture en reconnaissant que la mondialisation demande une voie internationale plus cohérente avec nos voisins. Pour les Britanniques, rien ne surpasse la liberté. Ils veulent commercer, se déplacer, faire leurs choix librement. Ils refusent l'ingérence de l'État. Si l'Europe favorise et protège leur liberté, voilà qui leur convient. Ils tiennent aussi à la justice, à une forte base législative européenne qui préserve leur liberté individuelle et garantisse leur égalité devant la loi, à une justice pour le peuple. En termes actuels, une charte des droits de l'homme que la construction politique de l'Europe garantisse défend et promeuve. Voilà aussi qui leur convient, à condition que ce soit clairement expliqué et qu'en vertu du principe de subsidiarité, la common law continue à régir le mode de vie national en dehors des domaines d'application de la réglementation communautaire, qui est le cas, en effet. Abordons enfin le concept de solidarité. Au Royaume-Uni, s'il est soutenu par les travaillistes et par les démocrates libéraux, celui-ci effraie les conservateurs qui y voient un synonyme d'accentuation des droits sociaux. C'est pourquoi il recouvre l'ensemble des valeurs le plus contesté et le plus complexe à partager avec nos voisins. La fraternité était un mot plus facile d'emploi, mais la notion actuelle de la solidarité est beaucoup plus à même de susciter des réactions chez nous. Pour décrire ce que nous espérons de l'avenir de l'Europe, il serait sans doute plus facile de revenir au concept anciennement ancré de paix ou sécurité et de prospérité. Je souhaite cependant souligner l'importance philosophique et le rôle moteur de votre révolution populaire à des idéaux de liberté, égalité et fraternité. C'est selon ces trois valeurs fondamentales que le Royaume-Uni réagit aujourd'hui à l'Europe. Les valeurs communes ne nous manquent donc pas. Alors, quelle construction politique est à même de répondre aux aspirations du public britannique d'aujourd'hui, avec son attitude commerciale pragmatique, avec son obstination à privilégier la liberté personnelle en accordant sa préférence aux droits plutôt qu'aux obligations, et avec son instinctive adhésion à des concepts jadis révolutionnaires. Au Royaume-Uni, le langage politique aujourd'hui à la mode en matière européenne souligne la nécessité d'assurer un surcroît de responsabilisation et de légitimité des instances politiques. La souveraineté nationale, tradition britannique, ne manquera pas d'être défendue. Elle ne sera en partie confiée à de nouveaux détenteurs communautaires qu'à condition qu'ils soient clairement dans l'obligation de rendre des comptes. Les Britanniques veulent que le Parlement européen possède un pouvoir plus important par rapport à la Commission. Mais il souhaite aussi que Westminster soit mieux informé des réglementations élaborées à Strasbourg et à Bruxelles et qu'il y engage sa responsabilité. Selon les sondages réalisés en Europe, et cette tendance se vérifie particulièrement au Royaume-Uni, la population ne manifeste qu'une confiance limitée envers le processus politique à l'origine de nos institutions communautaires, c'est-à-dire le Conseil, le Parlement et la Commission. Les Européens, et surtout les Britanniques, n'éprouvent pas pour ces instances ni le respect ni l'attachement qui leur inspire leur Parlement national. Voilà qui devrait inciter, tâche difficile, la Commission et le Conseil à adopter une communication de meilleure qualité en accordant au Parlement un rôle plus complet. Un surcroît de souveraineté commune, par-delà la co-législation récemment étendue, doit être claire et acceptable pour l'électorat. La Convention, bien qu'elle se soit efforcée d'améliorer la situation, n'est pas parvenue à un consensus marquant sur une réforme des systèmes électoraux. Cet échec est mis en évidence par Dominic Strauss-Kahn dans un rapport adressé à la Commission au mois de mai de 2004, qui a pensé et discuté les possibilités de révision et d'amélioration du fonctionnement politique en Europe. Deux axes méritent une attention particulière. Tout d'abord, les moyens à mettre en œuvre pour édifier la démos européenne, et ensuite, les moyens de susciter une participation plus enthousiaste au futur scrutin. Il est nécessaire d'amener un changement d'attitude du public vis-à-vis de la construction de l'Europe. Leadership et passion ne constitueront qu'une réponse. Il faudra peut-être aussi réexaminer le processus électoral. Pour de nombreux électeurs européens, il ne fait cependant pas de doute qu'une accentuation de process d'intégration économique et politique requiert une part plus importante de renoncement à la souveraineté nationale. Défense, sécurité intérieure, justice, tous ces domaines demandent davantage de coopération et d'intégration. En même temps, les nouveaux entrants doivent continuer à travailler à leur intégration économique au-delà de l'acquis communautaire. Les grands États membres doivent comprendre les défis que représente au niveau local le dynamisme des marchés en pleine mondialisation. Les réformes et les restructurations internes que cela implique s'effectuent trop lentement pour convaincre les électeurs que les instances politiques comprennent les économies régionales et encouragent énergiquement leur prospérité par la voie de la coopération. Le renouvellement du projet de Lisbonne aidera à montrer le progrès sur une base nationale plutôt que collective. la polémique qui suscite le pacte de croissance et de stabilité est une bonne illustration de l'incertitude qui entoure la collaboration en matière de gestion économique européenne. Le partage de la souveraineté ne peut s'effectuer qu'avec une instauration de nouveaux mécanismes de responsabilisation des instances politiques. La convention giscardienne représente une tentative en ce sens, sans toutefois surmonter le défi de la gestion économique. Les Britanniques ne croient pas que 25 commissaires puissent diriger avec efficacité la fonction publique européenne. Quand bien même la Commission serait confirmée par le Parlement et désignée par le Conseil, elle ne saurait fonctionner de manière satisfaisante sous la houlette d'une direction aussi vaste. Même si la Convention lui confère plus de transparence et de légitimité, elle ne pourra être efficace aux yeux de mes concitoyens tant qu'elle n'aura pas à sa tête un groupe restreint de commissaires. Les Britanniques ne croient pas que 1,2% ou 1,3%, même 1% de leur PIB dépensé par le Conseil, le Parlement et la Commission leur soit profitable. Pour eux, la PAC est une utilisation inefficace des ressources. Ils n'y voient que des subventions accordées à des agricultures partout en Europe, exerçant des pressions pour que l'Europe se protège des exportations légitimes des pays en voie de développement. Dans ces conditions, ils ne sauraient considérer l'Union capable de mener un débat international sur un monde plus juste. Les Britanniques se montrent sceptiques quant au rôle d'un conseil de ministres dont la tâche consiste régulièrement, en tant que porte-parole du Premier ministre, à protéger l'intégrité budgétaire de leur État vis-à-vis des autres membres du Conseil et des inefficaces ambitions de la Commission. Il en est qui, parmi nous, font entendre leur voix en faveur d'une augmentation des fonds européens consacrés au développement international, ainsi qu'à la reconstruction de l'Europe de l'Est, du Maghreb et du Proche-Orient. Mais aucune volonté politique disposée à dépenser plus pour gagner plus se fait jour. Le Conseil européen ne votera de subventions supplémentaires de développement que lorsque celles-ci bénéficieront d'une affectation mieux canalisée. Le Royaume-Uni continuera à défendre son désengagement négocié par Madame Thatcher à Fontainebleau tant qu'une vaste part du budget échoira aux agriculteurs au lieu d'être affectée à la sécurité de l'Union, à l'intégrité des pays voisins et à l'extension du marché unique. Quand Britanniques estiment les administrations européennes inaptes à justifier les objectifs de leurs dépenses et à contrôler l'efficacité et la transparence des programmes financés par des mécanismes relevant de la Commission, ils approuvent les limitations de budget. Je juge que les Britanniques sont favorables à ce qu'il soit nommé à la tête du Conseil un président doté de pouvoirs importants et d'un mandat prolongé. Ils sont prêts à accepter les nouvelles procédures de vote fondées sur la double majorité. Ils sont d'accord sur l'élargissement des décisions majoritaires dès lors que les questions fiscales, affaires étrangères, défense et dispositions budgétaires sont protégées par le principe d'unanimité. Mes concitoyens ont du mal à admettre que l'Union ne possède de pouvoir exclusif que dans les domaines relatifs à la concurrence au sein du marché unique, aux politiques commerciales, à la politique monétaire de la zone euro, aux questions douanières et à la préservation des ressources biologiques marines dans le cadre de la politique commune sur la pêche. Ce dernier aspect dénotant par rapport à la symétrie des quatre autres précédents. Il est à croire que les Britanniques n'ont pas encore compris que les réglementations, directives ou interventions de Bruxelles dans d'autres domaines ne peuvent se mettre en place qu'avec l'accord exprès de nos gouvernements respectifs. En ce qui concerne la sécurité et la défense, qui vont de pair avec les procédures diplomatiques du nouveau ministre des Affaires étrangères d'Europe, les Britanniques se montrent encore circonspects. Premièrement, ils considèrent que le concept d'une armée européenne vu comme le résultat à terme d'une coopération structurée ne se concrétisera que quand les autres dépenseront autant qu'eux-mêmes pour la défense. Nos investissements en matériel militaire en Europe ne sont ni suffisants ni pertinents. Nous, Européens, prétendons être acteurs sur la scène internationale alors que nous ne sommes pas en mesure d'appuyer nos discours avec une action militaire efficace. D'où la méfiance des Britanniques qui reconnaissent toutefois qu'il serait dispendieux et infaisible de viser à une défense dépourvue d'un surcroît de coopération communautaire. Les chocs de la guerre d'Irak nous ont démontré que l'Union doit agir de façon plus cohérente en tant que force politique dotée d'un bras militaire. Mais les faiblesses relatives de ce dernier, agissant hors du cercle de l'OTAN, ne font que mettre en évidence la difficile nécessité d'atteindre à une cohérence diplomatique. Les Britanniques n'aiment pas prêcher là où ils ne sont pas dans la capacité de frapper. J'ai donc tenté de vous présenter un collage des opinions britanniques. Certaines se fondent sur des valeurs, d'autres reflètent un jugement pragmatique quant aux dépenses budgétaires, aux questions de défense et aux positions constitutionnelles de la Commission, du Conseil et du Parlement. Vous aurez compris que mes compatriotes chérissent par-dessous tout la liberté internationale, la responsabilisation de leurs représentants politiques et l'égalité de tous face à la loi. Bien que toutes ces convictions fondamentales soient protégées par le nouveau traité sur la Constitution, les Britanniques demeurent sceptiques quand ils constatent les dépenses faites au nom de l'Union ainsi que son comportement diplomatique. Mais, et ceci est clé, je ne doute guère qu'un référendum sur la prochaine étape de la construction européenne n'est à gagner pour le gouvernement de Blair, mais seulement à condition que les directions politiques respectives des travaillistes et des démocrates libéraux se placent exactement sur la même longueur d'onde. En outre, il sera nécessaire de mener une puissante campagne auprès du public. Les sondages montrent que si la question posée dans un référendum est « Europe, oui ou non », le « oui » gagne. Voilà pourquoi la question de flexibilité joue un rôle important dans une campagne. Les Britanniques doivent comprendre que la Constitution aide l'élargissement d'Europe en offrant une clarté sur les champs de manœuvre. Mes concitoyens soutiendront, je le crois, l'Europe à plusieurs vitesses qu'impliquent les clauses de flexibilité du traité d'Amsterdam dont il n'a pas encore été fait usage dans la sphère politique. Mais la flexibilité est peut-être le concept le plus crucial dans le traité, dans l'avenir. Comment bien utiliser ce concept ? Il faudra que les Britanniques perçoivent le bon fonctionnement de ces clauses qui, dans le nouveau traité, prévoit une flexibilité de comportement chez les groupes divers, différemment alignés, pour qu'ils se perçoivent de l'efficacité de cet outil politique. Avant qu'on arrive là, ils continueront à la contempler par la lunette peut-être du désengagement. Cette attitude mise en évidence par les projets Euro et Schengen montre la flexibilité dans un contexte négatif et défensif et non dans une perspective positive. Et je crois que c'est très important à changer cette philosophie dans les clauses de la flexibilité qui sont dans le nouveau traité. Si la construction d'Europe permet une coopération plus réussie et plus visible en matière de sécurité interne ainsi que de lutte contre le terrorisme et le trafic de stupéfiants, je pense que le public britannique en tirera une nouvelle opinion sur la garantie des libertés, notamment du mouvement promu par le marché unique. De même, un véritable marché unique, domaine des services financiers, influera beaucoup sur l'attitude de citoyens ordinaires, inquiet de l'avenir à long terme de sa pension de retraite. Il y a des suggestions pratiques à faire en vue de la poursuite de la construction européenne, mais je souhaite finir sur un commentaire, c'est un commentaire d'ordre culturel. Dans son rapport sur l'avenir de l'Europe remis à Romana Prodi, Dominique Strauss-Kahn présente une vision nouvelle de l'Union. Les conclusions de ce rapport sont à même d'inspirer un débat politique, mais pour moi, il est plus intéressant d'examiner l'analyse qu'il apporte sur les liens historiques et culturels qui unissent les peuples d'Europe, clairement distincts des Amériques, de l'Asie et du subcontinent indien. À juste titre, selon moi, ce rapport soutient la quête de justice et d'équité qui se reflète intégralement dans le nouveau traité sur la Constitution. Le rapport soutient les solutions multilatérales, les institutions internationales et une Europe plus large, plus intégrée et plus active dans le monde. J'ai donc la conviction que les Britanniques doivent le soutenir aussi et ne manqueront pas de le faire. C'était Éloge du savoir. Aujourd'hui, l'Académie des sciences morales et politiques avec Lord Simon. Une émission de Guillaume Rialan, Daniel Finot, Christine Goémé. voy a matar y a la mala suerte que siempre tengo aquí atrás. La voy a matar y la mala noche que no me sirve para. La voy a matar. Mira que te juro que con todo esto voy a terminar. La voy a matar para que mañana las cosas no sean igual. La voy a matar. ¡Opale! Cheque, cheque como. Querer sin que me quieran, el mirar sin que me miren, el poder lo que deciden. We'll be right back. know when you see the falling in the rainbow clouds are too proud. How can it be now that I see? Of course it can't, not the way I want. Not my picture in a frame of gold. All that I was told must change now. In a garden of dandelions, I was walking happily on my feet. When did it occur? When did it leave the ground? And did I think I found it? Really found that thing missing. Surprisingly, I came to be back where I came from. Although it's new, all new, put back the pieces, it all increases. Oh, I sail away to where I was and where I've never been before. I sail away to a distant shore. Partenaire de la mousson d'été du 24 au 30 août à Pont-à-Mousson. Défricher de nouvelles formes d'écriture, découvrir des auteurs, rencontrer et donner à écouter des textes, depuis 10 ans, les écritures dramatiques contemporaines habitent le lieu magique de l'abbaye de Prémontré, au cœur de la Lorraine. Cette année, la mousson met les écritures d'Europe, de Chine et du Japon à l'honneur. Spectacles, rencontres, lectures, mise en espace, concerts, 10e anniversaire de la mousson d'été du 24 au 30 août avec France Culture. Cet été, sur France Culture. Si on suit le cheminement des opérations, on part des autorités allemandes qui prennent la décision et qui souvent, à la clé de cette décision, fournissent les listes. Le bureau des affaires juives. Là, peut-être, Maurice Papon, vous qui n'aimez pas que l'on généralise, généralisez-vous peut-être un peu. Dans ce qui est le problème de la fourniture des listes, je crois que nous aurons l'occasion de voir les choses peut-être plus en détail et de façon plus resserrée. Certainement. 8 octobre 1997, 2 avril 1998, devant la cour d'assises de Bordeaux, se tient le procès de Maurice Papon, premier fonctionnaire jugé pour crime contre l'humanité. Rien ne se passe en ce qui concerne les affaires juives, qu'ils me mettent au courant. France Culture revient sur ses 95 jours d'audience, 25 émissions pour en restituer au plus près la densité, la complexité, en proposant des éclairages historiques, juridiques et journalistiques. Si on appelle opérationnel... Et voilà, il faut s'entendre sur les termes. Le fait d'observer, de négocier, oui, alors là... Mais ça, c'était notre part d'initiative. Bon. On pouvait ne pas s'en préoccuper, ce qui était le cas antérieurement, comme le disent les experts. Le procès Papon, du 25 juillet au 26 août, de lundi à vendredi, à 11h. Jadis, ouvrant mes bras comme une paire d'ailes, je montais jusqu'au ciel pour suivre l'hirondelle et me rompais les os en souvenir de vous. Le complexe d'Icare à présent m'abandonne, l'hirondelle en partant ne sera plus l'automne. Cultivons le plaisir, cet été, le monde revisité à la lumière de ses mythes et légendes. Les ailes de la pensée déjouaient le piège du bel envol. De l'envol d'Icare à la chouette de Minerve, en passant par le filtre d'amour de Tristan et Iseut, notre culture racontait autrement les grandes légendes de la pensée, le roman du monde à feuilleter chaque jour de la semaine à 21h40. Déjà cet oubli est mortel. Le soleil détruit l'artifice. Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture. Votre matinée sur France Culture, dans quelques instants, quartier d'été, puis à 8h30, à Voix Nue, pour redécouvrir cette semaine des entretiens avec Sylvia Nagasinski. La chronique de mon propre quotidien ne m'intéresse guère et pas davantage mes états d'âme, écrit-elle dans son journal interrompu. Très tôt, elle choisit la philosophie, persuadée que les questions qui se posent à chacune et chacun de nous rejoignent par cette discipline celles qui se posent à l'humain. Dans ses entretiens, Sylvia Nagasinski revient sur les points forts de sa pensée. Quatrième entretien, la philo au quotidien. 9h05, France Culture ouvre ses archives consacrées jusqu'à demain encore à Elias Canetti, un Nobel Atlantide. Après avoir écouté des entretiens avec son frère Jacques Canetti, son petit cousin Raphaël Saurin, nous écouterons Canetti en anglais dans une traduction simultanée soigneusement réalisée. Ce sont des archives de la BBC. 10h affinités électives, aujourd'hui Willy Ronis, l'un des photographes du mouvement du réalisme poétique avec Doineau. 11h, le procès Papon, avant-dernière émission de ce procès qui jugeait pour la première fois un fonctionnaire pour crime contre l'humanité. Mais tout de suite, retrouvons Ali Badou. Bonjour à tous, bon réveil, il est 6h59 ce jeudi 25 août et bienvenue sur France Culture. Au programme des quartiers d'été ce matin, on ira à Malte avec le coup de fil à l'Europe. Daniel Cohen nous parlera de l'économie africaine et on retrouvera Thierry Garcin pour les enjeux internationaux. Et puis deuxième séquence littérature dans les quartiers d'été. Vous savez que la rentrée littéraire bat son plein et on suivra cette sélection France Culture Télérama autour de quelques-uns des ouvrages marquants de la rentrée. Ce matin dans les quartiers d'été, on s'arrêtera sur l'un des livres événements. Waltenberg, Eddie Cadour en est l'auteur. Un premier roman très ambitieux à paraître chez Gallimard. Eddie Cadour sera notre invité. Dès 8h20, vous écoutez France Culture, il est 7h. Et le premier journal de la matinée nous est présenté par Hervé Gardette. Bonjour Hervé. Bonjour. Au lendemain de la journée de deuil national en mémoire des victimes martiniquaises de l'avion de la West Caribbean Airways, retour en métropole pour Jacques Chirac. Il préside ce matin le Conseil des ministres, le premier de la rentrée. Conseil marqué par le lancement d'un des volets du pléthorique plan de cohésion sociale. Le programme de réussite éducative, un effort particulier pour aider les jeunes élèves en difficulté. Marie-Christine Ledu. Ils ont 3 ou 4 ans et ils vont déjà très mal. Plus ils avancent dans leur scolarité, plus ils accumulent les retards et les échecs. Ce sont souvent les mêmes enfants qui se retrouvent 12 ou 13 ans plus tard à la porte du collège ou du lycée sans aucun diplôme ou qualification. C'est parce que l'école et les maîtres ne peuvent pas tout faire que ce dispositif de réussite éducative a été imaginé. À ce jour, près de 200 communes, écoles ou associations se sont engagées à le mettre en œuvre dès septembre pour prendre en charge près de 60 000 enfants et adolescents. Chaque équipe, constituée de professionnels spécialistes de l'enfance, des enseignants, des éducateurs, des médecins, des assistantes sociales, disposera de 100 000 à 500 000 euros pour apporter un soutien individualisé et personnalisé à chacun, suivre sa santé, sa scolarité, accompagner sa famille. Parmi les premiers bénéficiaires, une association d'étudiants de Polytechnique qui s'engage à suivre tout au long de l'année scolaire 20 élèves de deux lycées situés en zone d'éducation prioritaire. Autre nouveauté de la rentrée, le retour masqué des emplois jeunes. Gilles de Robien, le ministre de l'Éducation, a annoncé hier la création de 45 000 emplois aidés dans les établissements scolaires. En fait, près de la moitié existe déjà. Ce sont des contrats emploi solidarité, des contrats emploi consolidés qui vont être convertis en emplois de vie scolaire. Des super pions chargés de seconder les équipes pédagogiques. Nous en reparlerons plus longuement dans le journal de 8 heures. Après l'accusation, la défense, les opérateurs